Le comité central de l'Union de la jeunesse kimilsoniste et kimjongliste a publié le 27 coron la décision sur la convocation de la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée au début de juin de l'an 106 du jeté 2017 à Pyongyang.